Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'invention des tests de quotient intellectuel. Alors, le QI mesure, en fait, condense en un seul chiffre certaines capacités de l'intellect. Oui, bien sûr, ça peut être utile, peut-être. Mais ça a fait de tels dégâts à cause de la mauvaise compréhension qu'on en a eue que je crois qu'il vaudrait mieux ne plus en parler. Le philosophe et généticien Albert Jacquard en 1982, Albert Jacquard qui reconnaît donc l'utilité des tests de QI, mais qui se méfie aussi de l'importance qu'on leur donne, de l'interprétation qu'on fait des résultats de ces tests de quotient intellectuel. À quand remontent donc ces tests d'intelligence? Pourquoi se met-on tout à coup à vouloir mesurer l'intelligence? Que cherche-t-on à mesurer précisément? Quelles sont enfin les grandes limites de ces tests? Le QI, c'est une comparaison avec un groupe de référence. Ce groupe-là peut être 500 ou 1000 personnes qui sont représentatives d'une population. Comme par exemple, dans les 50, il y avait le Barbeau Pinard au Québec qui mesurait le QI. C'était comparé à un groupe de Québécois, de jeunes, jusqu'à 18 ans, je pense. Et c'est ce groupe-là qui était la norme. Mais cela dit, si quelqu'un passe aujourd'hui un Barbeau Pinard, on se compare à un groupe qui date des années 50. Donc, on risque fort d'avoir un résultat plus élevé, évidemment, parce que les gens savent plus de choses maintenant. Le niveau d'éducation est plus grand et tout. Le professeur de psychologie Jacques Lajoie, au micro des Années-Lumière en 1999, il explique l'importance de l'aspect comparatif quand on mesure le quotient intellectuel de quelqu'un, en précisant que le résultat du test n'est valable que si le groupe de référence est vraiment toujours représentatif du milieu dans lequel évolue celui dont on veut mesurer le QI. Pour nous raconter l'histoire des tests d'intelligence, mon invité Alexandre Klein, philosophe, historien de la santé, auteur de plusieurs articles sur Alfred Binet, qui est l'un des pères de la psychométrie. Vous avez d'ailleurs, Alexandre Klein, publié déjà, et ça va se poursuivre, mais une partie de la correspondance d'Alfred Binet. Oui, deux volumes déjà. Bonsoir. Bonsoir. Deux volumes déjà, et deux volumes qui sont en cours, parce qu'on retrouve chaque jour des lettres qui ont été adressées à Alfred Binet, ouais, ou que Alfred Binet a adressées à des scientifiques du monde entier. Et puis on va y revenir sur cette figure de Binet, parce qu'elle est centrale dans notre histoire aujourd'hui, l'histoire qu'on va faire de ces tests d'intelligence. Mais ça commence quand, avant de parler des tests comme tels, ça commence quand l'intérêt de la science pour l'intelligence? Alors, l'intérêt pour l'intelligence, il est depuis l'aube des temps, j'allais dire. Les hommes ont toujours eu intérêt à se pencher sur leur propre fonctionnement mental. Mais alors pendant très longtemps, ça a été la philosophie. La philosophie a eu pour rôle de se questionner sur le fonctionnement de l'esprit. Donc depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, on commençait déjà à réfléchir à tout ça. Et quand la philosophie s'est forgée, elle est devenue la discipline qui prenait en charge les questions de l'esprit. Mmh. Alors, on ne parlait pas encore de science et on ne parlait pas encore de science de l'esprit. Mais déjà, il y a eu une réflexion qui s'est étalée pendant plusieurs siècles, donc depuis Socrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au moins au 19e siècle, la philosophie étudier à sa manière l'esprit. Ouais. Mais pour rentrer dans la science, on considère qu'on rentre dans la science à partir du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on va commencer à aborder l'esprit, son fonctionnement, la manière dont la psyché fonctionne, avec des outils différents que ceux de la simple réflexion. Qu'est-ce qu'on cherche au tout début sur le plan scientifique quand on s'intéresse à l'intelligence? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? On cherche simplement à comprendre l'être humain, ouais, parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'être humain est un être intelligent, ou en tout cas qu'il a des facultés qui sont différentes des autres êtres vivants. Et donc, on essaye de simplement de comprendre. Donc, au départ de ces tests d'intelligence, au départ de cette mesure potentielle de l'intelligence, il y a avant tout une volonté de comprendre et de décrire l'humain. Il faut se rappeler que le 19e siècle, c'est un siècle où la science s'attaque à l'humain. Après avoir compris l'univers, ou essayé de comprendre l'univers avec Galilée et les autres, on essaye de commencer à comprendre l'humain. Mmh. C'est l'apparition des sciences humaines. Ouais. À la fin du 19e siècle, et donc les sciences s'intéressent à l'être humain. La mesure comme telle de l'intelligence, à quel moment on décide d'essayer de mesurer l'intelligence et comment ça va se passer? Alors au départ, on n'essaie pas de la mesurer. Et on va voir qu'on n'a jamais vraiment essayé de la mesurer finalement. Simplement, au départ, on a essayé... Même en parlant de test de QI, donc. Même en parlant de test au départ, les tests au départ n'ont rien à voir avec la mesure. D'accord. Et il va y avoir une polémique longue sur la question de savoir est-ce que c'est de la mesure, est-ce qu'on peut mesurer l'intelligence. Ouais. Binet, dont on parlera tout à l'heure, disait qu'il ne faut pas passer l'intelligence sur une bascule de gare. Ouais. On ne peut pas faire sans pas mesurer comme on mesure des pommes de terre. Donc, au départ, il s'agit simplement de trouver des techniques pour essayer de comprendre scientifiquement comment fonctionne l'esprit humain. Et donc, ce qu'on a appelé les tests au départ, le premier à avoir parlé de tests, c'est James McKinkattle, donc qui est un psychologue américain qui va se former en Allemagne puis en Angleterre et qui va parler de mental tests. Et le premier à parler de ça, donc c'est un ensemble d'épreuves pour pouvoir étudier certaines fonctions de l'esprit. Voilà. Donc l'idée, c'est avant tout de comprendre et de décrire le fonctionnement de l'esprit humain. On ne parle pas de mesure encore. Mmh. Et on va en parler beaucoup plus tard. Et à quoi ressemblent ces épreuves? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, tout au départ, c'est des tests très simples. Par exemple, une liste de chiffres dont il s'agit de se remémorer et de réénumérer de manière simple. Ou beaucoup de tests physiques. Donc des tests qui font un lien entre la sensation et sa conscientisation. Si je vous pince le bras... À quel moment vous allez vous en rendre compte? Si je vous pince plus fort le bras, est-ce que votre douleur va être plus intense parce que mon pincement va être plus fort? Donc on fait ce genre de test pour essayer de comprendre comment les choses viennent à la conscience, comment fonctionne l'esprit humain dans le corps. Parle-moi de la figure de Galton, de Francis Galton, qui est importante dans ces expérimentations pour mesurer... Et qui on veut mesurer aussi? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on commence à s'intéresser à ça, et il a fallu déjà critiquer, parce que les philosophes avaient le monopole de la réflexion sur l'esprit, donc il a fallu que certains commencent à dire on peut étudier l'esprit de manière différente, avec des outils différents. Et parmi ces gens-là, il y a Hippolyte Taine, il y a Théodule Ribot en France, et il y a aussi en Allemagne quelqu'un qui s'appelle Wilhelm Wundt, qui va commencer à se dire qu'on peut appliquer des outils scientifiques de mesure de la sensation pour pouvoir accéder à une connaissance de l'esprit. Et en Angleterre, il y a Francis Galton qui, lui, se pose les mêmes questions et qui se dit à travers le corps, à travers la mesure du corps, par exemple peut-être la mesure du cerveau. Donc en mesurant la tête pour avoir une idée du cerveau, je vais peut-être avoir une idée de l'intelligence de la personne à qui je m'adresse. Bref, en mesurant certains éléments corporels, notamment la sensation, je vais pouvoir accéder à des informations sur l'esprit parce que à cette époque, il faut voir qu'il y a une théorie qui est à peu près dominante qui s'appelle l'associationnisme, qui a été inventée en Angleterre par les philosophes, John Locke par exemple, Stuart Mill, mais qui veut que la connaissance, les idées qu'on a dans l'esprit, les idées, ont pour origine des sensations. Ah bon. Des sensations qui vont s'ajouter pour créer des idées. D'où l'idée de pouvoir, en étudiant les sensations, accéder aux idées. On arrive petit à petit à Binet. Avant de parler de ses travaux qui vont être très très importants, présentez-nous-le. Vous le connaissez par cœur, Alfred Binet, mais en quelques mots, qui est-il? Je commence à bien le connaître, mais c'est un personnage incroyable, c'est un touche-à-tout, donc qui a une formation d'avocat au départ, qui quitte tout ça pour se former à la psychologie, qui va suivre des cours à la Salpêtrière chez Jean-Martin Charcot, donc qui va hypnotiser les femmes de la Salpêtrière, on connaît bien ces images. À côté de ça, il fait un doctorat sur le système nerveux sous-intestinal des insectes, avec un embryologiste du Collège de France qui devient son beau-père parce qu'il épouse sa fille. Et il devient finalement un psychologue très connu, en inventant le test d'intelligence, mais aussi, surtout, en prenant la tête d'un laboratoire qui est l'un des premiers laboratoires de psychologie expérimentale en France, qui est le laboratoire de la Sorbonne, au sein duquel il va pouvoir réaliser tous ses travaux et créer aussi une revue très importante qui est l'année psychologique. Donc la première revue entièrement dédiée à la psychologie expérimentale en France, revue qui existe toujours aujourd'hui. Et ses premiers sujets d'observation à Alfred Binet, c'est souvent le cas à l'époque, ce sont ses propres filles. Il va observer ses deux filles. C'est ce qui va le pousser à faire plus de recherches, à pousser plus loin encore ses recherches sur l'intelligence. On écoute à ce sujet Georges Cognet de l'École des psychologues cliniciens de Paris dans un web documentaire qui date de 2014 dont vous avez participé à l'écriture, Alexandre Rettelin. Voici donc cet extrait de Georges Cognet. Il observe depuis de nombreuses années ses deux filles, Madeleine et Alice, dans leur développement. Il les compare Et il s'intéresse, lui, à la variabilité, aux différences individuelles. Différences individuelles qu'il a sous les yeux, parce que ces deux filles sont issues du même milieu, mais sont très différentes dans leur méthode d'apprentissage. L'une apprend avec aisance et, disons, plus scolaire. L'autre semblerait un peu plus créative, moins scolaire. La mémoire fonctionne différemment pour l'une, qui peut très bien apprendre des leçons par cœur, l'autre qui nécessite, qui a besoin de bien comprendre avant d'apprendre. Et donc il observe comme cela des enfants qui présentent des intelligences, toutes deux intelligentes, mais des intelligences différentes. Et il s'intéresse, par l'intermédiaire de ses filles et de ses travaux, aux différences interindividuelles. L'une apprend... Pas facile d'être fille d'un grand psychologue, mais blague à part, on voit bien ce qui se passe. Il est curieux, il a ses deux fillettes sous les yeux. À quoi il va s'intéresser? Quelle sera la nature de ses travaux sur l'intelligence? Donc, tout l'objet de cette nouvelle psychologie qui naît, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des individus qui ont un certain type d'intelligence ou qui sont plus intelligents que d'autres ou qui paraissent mieux adaptés. J'en reviens à Francis Galton une petite seconde. Il faut se rappeler que Francis Galton, c'est le cousin de Darwin. Donc, il est fondu dans la théorie de l'évolution. Ouais. Et donc, il cherche à voir pourquoi il n'y aurait pas des individus qui s'adapteraient mieux, en tout cas qui auraient des capacités mentales différentes. Donc, d'ailleurs, les gens qu'il va étudier sont des gens de familles célèbres, qui se sont distingués. Et ouais. C'est ce que fait Binet au départ aussi. Binet, au départ, il fait ce qu'on appelle la psychologie individuelle, c'est-à-dire qu'il va étudier des esprits spécifique. Donc il va aller étudier des calculateurs prodiges, il va aller étudier des magiciens, il va aller étudier des gens qui ont des capacités spécifiques pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et quand il a ses deux filles, qui ont seulement 18 mois d'écart, il y voit l'occasion de pouvoir étudier le développement de l'enfant de manière comparative. Parce que les deux vivent dans un milieu culturel qui est le même, dans un milieu familial qui est le même. Elles sont toujours à portée de main pour une étude. Et surtout, elles ont 18 mois d'écart, donc on peut faire de la comparaison. Et ça, c'est magique pour Binet. Et comment il va en arriver? Parce que c'est lui, au fond, qui créera ce qui ressemble à un test d'intelligence moderne. Le premier test d'intelligence digne de ce nom, c'est Binet qui le crée, quoi, en 1905? En 1905, ouais. Pour la première version. Mais... Binet a connaissance des travaux que mènent les autres. On a parlé de McKinney-Cattell, on a parlé de Galton. Il a conscience de ces travaux-là, mais il voit que les mesures physiques, mesurer la sensation, mesurer les corps, faire de la biométrie, de l'anthropométrie, ça a ses limites. On ne reconnaît pas les gens plus intelligents au volume de leur tête, pour aller rapidement. Et donc, il comprend que pour vraiment cerner l'intelligence, pour vraiment entendre l'esprit, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les fonctions supérieures, c'est-à-dire la mémoire, l'imagination, le jugement. Parce que c'est dans ces catégories-là, dans ces fonctions-là, que les gens sont les plus différents. Mmh. Il parlait de ses filles, il y en a une qui est plus imaginative, c'est Alice, qui deviendra peintre, elle est plus imaginative que sa sœur. Vous voyez, c'est dans ces grandes fonctions qu'on va pouvoir comparer. Et donc, c'est pour essayer de cerner le fonctionnement de ces grandes fonctions, la mémoire, l'imagination, le jugement, qui va mettre en place un test, donc un ensemble de questions, un ensemble d'épreuves pour essayer de juger de ces facultés-là. Et ça va ressembler à quoi? Sur quelle base va s'appuyer ce fameux test? Alors, au départ, il va étudier beaucoup d'enfants pour essayer de le cerner, mais de manière concrète, ça va fonctionner par des questions et par des tests. Donc, par exemple, si j'allume une allumette, est-ce que l'enfant peut suivre des yeux l'allumette? Si je lui donne une liste de nombres, combien de nombres il peut répéter de mémoire? Si je lui montre une image, de quelle manière il peut me la décrire? Et il y aura, chez Binet, ça sera important, il crée un peu ce concept pour les enfants d'âge mental. C'est ça. Donc... le test de Binet ne va au départ s'adresse au départ aux enfants, parce que pour en rappeler le contexte, c'est vraiment à la demande du gouvernement français que Binet va créer un test d'intelligence. On essaye à cette époque-là, on se pose la question de savoir comment on peut envoyer à l'école des enfants différents, des enfants qu'on appelle anormaux à cette époque-là. Est-ce qu'on doit les envoyer à l'asile? Est-ce qu'on doit créer des classes spéciales dans les asiles? Est-ce qu'on doit créer des classes spéciales à l'école? Est-ce qu'on doit les envoyer à l'école normale? Donc ces questions se posent. Et le gouvernement demande donc à Binet, par le biais d'une commission, de créer un test qui va permettre de distinguer les enfants anormaux des autres enfants. C'est là que commence le test d'intelligence. Parce qu'en 1905, ce qu'on appelle à ce moment-là l'échelle métrique de l'intelligence, c'est une partie d'un test qui permet de distinguer les enfants anormaux des enfants normaux. Ce test-là, donc c'est une petite révolution, ce que Binet est en train de créer, et ça va faire des petits, ça va connaître un succès vraiment immense. Ça va connaître un succès immense parce que, voilà, il arrive à atteindre des éléments de l'esprit qu'on n'arrivait pas à tester avant. Donc tout de suite, ça va fonctionner. Il va l'échanger avec des psychologues de l'Europe entière. Et très rapidement, la deuxième version, la version de 1908, qui s'adresse donc plus seulement aux enfants anormaux, mais à tous les enfants, on peut mesurer, on peut étudier l'intelligence de tous les enfants, même les enfants normaux, va être très rapidement se répandre dans le monde, notamment aux États-Unis. Où elle va être traduite directement 2 ans, je pense, après sa parution. Mmh. Et c'est quelques années plus tard qu'arrive le... Parce que, bon, premier test avec les 3 phases là, du premier test que développe Binet en 1905, 1908, 1911. 1912, apparition de la notion de quotient intellectuel. Qu'est-ce que ça change à l'équation? Donc, l'idée de Binet, c'était de montrer qu'on pouvait mesurer, hiérarchiser les enfants. C'est-à-dire qu'on pouvait comprendre si un enfant était plus ou moins avancé par rapport à sa classe d'âge. Ouais. Donc, s'il répondait à un certain nombre de tests que la majorité des enfants de son âge, auxquels la majorité des enfants de son âge répondaient, alors il rentrait dans un âge mental qui était par exemple celui de 12 ans s'il arrivait à faire tous les tests que les enfants de 12 ans majoritairement arrivaient à résoudre. Et l'idée de William Stern, donc en 1912, ça va être de comparer cet âge mental inventé par Binet à l'âge chronologique. Donc, si à 10 ans, vous avez un âge mental de 12 ans, vous êtes un peu en avance. Mmh. Et inversement. Et là, c'est parti. Il y aura toute une évolution. On va perfectionner ces tests tout au cours du 20e siècle. On va les perfectionner et on va les transformer, puisque ce qui était au départ un moyen pour hiérarchiser les enfants, donc voir est-ce qu'il y avait un enfant plus en avance qu'un autre, ça va devenir un outil de mesure pour mesurer. Parce qu'à partir du moment où Stern va proposer qu'on compare les deux âges, l'âge chronologique et l'âge mental, Lewis Terman, donc un psychologue américain, qui va faire une nouvelle version du test en 1916, qui s'appelle le Binet-Stanford, qui s'est ensuite imposé dans le monde, au point que, par exemple, en France, il est revenu comme une traduction, alors qu'on avait déjà le Binet. Lewis Terman lui va proposer donc de mettre ce chiffre sur 100. Et donc, si j'ai 12 ans d'âge mental à 10 ans, alors j'ai un QI de 120. Ouais. Et là, on va mettre des chiffres sur ce procédé-là. Et à partir du moment où on met des chiffres sur des choses qui ne devraient pas être mesurées, alors ça s'emballe. Ouais. On touche tout de suite aux limites de ces tests d'intelligence. Je vous propose d'écouter à ce sujet le neuropsychologue Dave Ellenberg qui parle à Achille Michaud en 2005 au Téléjournal. Puis on reviendra donc sur les limites que comportent ces tests. Mais un test de QI, qu'est-ce que ça ne dit pas alors? Ça dépend évidemment d'une batterie à l'autre, mais en général, ça nous dit pas, ça nous donne pas beaucoup d'informations sur la façon qu'on va s'adapter dans des situations nouvelles, ce qui est une très grande force dans la vie de tous les jours pour réussir. Notre capacité d'entrer en relation avec les gens aussi, notre capacité donc plus d'adaptation sociale. Et il y a plusieurs sphères intellectuelles, comme on pourrait dire, d'habiletés intellectuelles qui ne sont pas recensées là, par ces tests-là. Il faut vraiment une analyse globale lorsqu'on veut pouvoir déterminer l'ensemble des fonctions d'une personne et toujours avoir un motif précis. Quelqu'un peut être très, très fort sur le point de vue visuel, l'analyse visuo-spatiale, plus faible, avoir un QI peut-être dans la basse moyenne ou sous la moyenne sur le plan verbal et être un ingénieur excellent, ou à l'inverse, quelqu'un visuellement, au niveau des habiletés visuo-spatiales, être plus faible, être plus fort sur le point de vue verbal et être un reporter excellent aussi. Donc, on ne peut pas se fier sur un score global. Alors, quand on entend ce qu'on vient d'entendre, Alexandre Klein, à quoi servent ces fameux tests de quotient intellectuel? Quelles en sont les limites principales? Les limites, c'est le chiffre. C'est-à-dire que l'idée de chiffrer l'intelligence a eu des effets négatifs parce que on se repère maintenant à des chiffres alors qu'au départ, il s'agissait de voir si certaines capacités étaient développées, ouais. Non pas plus ou moins que les autres, mais par rapport à son voisin. Donc l'idée de faire une moyenne générale et de se mesurer par rapport à ça est une des dérives qui est arrivée avec la généralisation, la massification aussi des tests d'intelligence, parce que ce qui était un petit rendez-vous entre un psychologue et un enfant au quotidien pour essayer de comprendre l'intelligence, c'est devenu un test général qu'on pourrait presque faire dans un magazine l'été sur la plage. Et on voit bien que la dérive, à ce moment-là, est là. Ouais. Écoutez Albert Jacquard, qu'on entendait au début de l'émission, on l'écoute plus longuement. Vous êtes vraiment déjà, vous nous préparez à ce qui va suivre, qui est lui donc, qui s'inquiète beaucoup des dérives possibles dans la place qu'on accorde à ces tests d'intelligence. Extrait d'entrevue donc à l'émission Horizon en 1982. Avez-vous déjà passé vous-même des tests de quotient intellectuel? Oui, oui, oui. Et puis, ben, c'était très bon. Mais ça ne signifie rien, justement. Ça ne signifie rien. Parce que ça mesurait quoi en moi? Une certaine conformité à accepté de répondre à des questions qui avaient des réponses. Or, il m'arrive de me sentir intelligent, c'est jamais quand je réponds vite à des questions posées de telle façon qu'elles aient des réponses, mais quand j'invente une question nouvelle. Mais ça, ça peut être très long. Et je vois pas ce que la vitesse vient faire là-dedans. Alors, le QI mesure, enfin, condense en un seul chiffre certaines capacités de l'intellect. Oui, bien sûr, ça peut être utile, peut-être. Mais ça a fait de tels dégâts à cause de la mauvaise compréhension qu'on en a eue, que je crois qu'il vaudrait mieux ne plus en parler. Il se trouve, c'est peut-être pas la faute des psychologues, mais il se trouve que dans le public en France, les gens disent « Ah, mon fils a tel QI, ma fille, etc. » Et ils en déduisent qu'il est capable ou pas capable de telle et telle chose. Et on considère que le QI est une caractéristique comme le fait d'avoir une verrue au bout du nez. Non. C'est quelque chose de parfaitement arbitraire, mesuré dans des conditions précaires, qui n'est pas stable, etc. On peut en faire la critique, et les psychologues le font très bien. Mais il se trouve qu'au nom du QI, on a transmis un autre message, qui était le message qu'il y avait une hiérarchie en valeur entre les hommes. Si votre QI est plus grand que le mien, alors vous allez prétendre que vous valez plus. Je dirais non, votre QI est plus grand, et ça s'arrête là. Or, l'idée de justifier la hiérarchie de fait dans la société par des raisons de la nature, est une idée qui est, en tant que généticien, je peux le dire, fausse, mais qui malheureusement est très tentante, et trop souvent, certains courants idéologiques s'en sont servis. C'est intéressant ce que nous dit Albert Jacquard. Vraiment. Est-ce que ça a donné lieu, effectivement, deux choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'usage qu'on en fait des QI dans nos sociétés actuelles? Et est-ce que ça a donné lieu, je me réfère à la dernière partie de sa réponse, à des dérives importantes dans l'histoire? Il y a eu des dérives dans le sens où les premières personnes à l'utiliser, notamment Henri Goddard aux États-Unis, le traducteur l'importateur du test de Binet, l'a utilisé pour faire de la sélection et pour imposer des idées eugéniques et raciste. Donc oui, il y a eu des dérives, mais je dirais que et Albert Jacquard le situe bien, c'est que la plus grande dérive, c'est peut-être l'idée selon laquelle on peut objectiver l'être humain, et on peut, à partir d'un test qui est fait à un moment X, sur un individu X, dans des conditions X, déterminer pour toute sa vie ce qu'il va être. Mmh. Il le dit bien, même s'il précise au début que son test à lui était positif et était bon. Ouais. Est-ce qu'on peut réduire l'humain à un chiffre? C'était pas du tout l'idée de Binet. Binet, même s'il est mort trop tôt pour voir les développements de son test, se serait évidemment opposé à ça. Mm-hmm. Et malheureusement, c'est une des dérives. La dérive majoritaire du XXe siècle, ça a été de mettre des chiffres sur des humains. C'est pas le test, c'est ce qu'on en fait, c'est l'importance l'interprétation qu'on lui donne. C'est ses évolutions, et c'est d'en faire un outil aussi qui est devenu statistique. Ouais. Au départ, c'était un outil individuel. Est-ce que c'est pas une question de mode aussi? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il a la cote, le test? Est-ce qu'on est encore obsédé du QI et du test de QI? Alors, on n'est pas obsédé. On se sert toujours de tests d'intelligence diverses. Ouais. Les nouvelles échelles de métrique de l'intelligence, on se sert de nouveaux tests aussi, mais qui ont des rôles différents, soit dans la sélection des entreprises. On va s'en servir aussi dans la sélection scolaire. Ouais. Mais sinon, globalement, la plupart des tests d'intelligence qu'on connaît ou des tests de l'esprit qu'on connaît sont dans les magazines qu'on lit sur les plages. Alexandre Klein, on va s'arrêter là-dessus. Je rappelle, vous êtes philosophe et historien de la santé, chercheur en études postdoctorales à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup de votre présence. Merci. À l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.